J'avais intitulé mon intervention « Retour » parce que là, je travaille sur complètement autre chose. En ce moment, donc il a fallu que je me replonge dans mes écrits. Là, en ce moment, je suis normalement sur mon terrain, dans un atelier de restauration et de reliure dans les archives départementales. Et donc, c'est un univers qui est complètement différent de ce qu'on disait aujourd'hui. Donc, moi, je ne suis absolument pas linguiste, que les choses soient claires. Et j'ai donc passé, j'ai fait une thèse et j'ai travaillé sur le discours managérial et pas la langue. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Et j'étais dans une agence de, je me suis fait embaucher dans une agence de communication interne qui était spécialisée donc dans des journaux internes d'entreprise. Et j'ai occupé un poste salarié pendant plusieurs années en qualité de secrétaire de rédaction, c'est-à-dire à la jonction entre la rédaction et la fabrication. Et donc je vais aller assez vite. Je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il fallait distinguer la langue des procédures. Moi, je ne parle pas de langue, hein, je ne suis pas linguiste, mais juste de vocabulaire. Et du point de vue du discours managérial, en fait, le discours managérial provient essentiellement d'une normalisation. Donc, il y a eu évidemment la normalisation au départ des produits, et progressivement, on est passé à la normalisation des pratiques. Et cette normalisation des pratiques s'est accompagnée, évidemment, de la communication. Et dans la normalisation des pratiques, il y a l'enjeu donc, qui était, moi ça remonte à presque une dizaine d'années, mais je pense que c'est toujours d'actualité, en tout cas la logique est toujours la même, c'était l'obtention de la certification du management par la qualité, avec les fameuses normes ISO 9001, 9002, 9003. Alors je ne suis plus trop ça, puisque maintenant je suis plutôt dans l'ethnographie du patrimoine, mais à l'époque c'était ça. Et les gens se référaient, eux, au fameux compendium des normes, donc les normes ISO internationales. Donc c'est un ouvrage qui fait à peu près 400 pages. Et une des premières choses qui est donnée à lire donc à la personne dans l'entreprise qui veut être certifiée, donc il y avait un 21 points à remplir, qu'on retrouve aujourd'hui dans les certifications pour DD, donc le développement durable avec l'agenda 21, c'est la même chose, hein. En gros, c'est l'appropriation de tout un vocabulaire. Donc ça, c'est dans le compendium des normes, il y a un chapitre entier qui est consacré au vocabulaire. Je cite, qui est consacré à la définition, et au bon usage des termes avec des recommandations très précises. Il convient, je cite, que le terme qualité ne soit utilisé isolément, ni pour exprimer un degré d'excellence dans un sens comparatif, ni pour des évaluations techniques dans un sens. Donc il convient que le terme qualité, je cite, ne soit utilisé isolément, ni pour exprimer un degré d'excellence dans un sens comparatif, ni pour des évaluations techniques dans un sens quantitatif. Pour exprimer ces deux sens, il est bon qu'un qualitatif soit utilisé. Par exemple, on peut employer les termes suivants, qualité relative, niveau de qualité, etc. Et dans ce compendium des normes, il y a toute une partie qui définit des termes, et notamment l'usage et dans quelles conditions on doit utiliser tel mot. Et les personnes que j'ai rencontrées pour cette enquête, qui devaient, les pauvres responsables qualité dans les entreprises qui étaient censées mettre en place cette démarche de certification, ont été heurtées à des problèmes de vocabulaire et de mots qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils ont été après obligés de traduire parce que il y avait des mots comme pokayoke, comme kaizen, etc., qui viennent de l'industrie japonaise et américaine, un mixte. Et il y avait une incompréhension des gens sur le terrain. Donc, il y en a qui ont été obligés de retraduire auprès des ouvriers parce qu'ils ne comprenaient absolument. Regardez pas comme ça. Mais vous voyez. Je regarde personne, mais c'est pas Big Brother. Ah, mais j'avais dit que c'était Big Brother. Pas de moustache. Donc, dans cet âge, je fais court, dans cette agence de communication, vous avez ce qui se passe la plupart du temps. Vous avez des entreprises publiques et privées. Moi, je me suis focalisée sur une entreprise publique, justement, puisque dans le cadre des directives européennes, il y avait une ouverture progressive des marchés et cette entreprise publique, multiséculaire, devait changer son organisation et passer donc dans le cadre de la nouvelle, entre guillemets, organisation, avec tout un tas de certifications. Donc, les pauvres managers, évidemment, qui ont toujours travaillé d'une certaine manière, on leur apprend qu'ils doivent travailler autrement, donc font appel à des consultants qui leur expliquent par une quantité de PowerPoint comment s'y prendre et après partent, évidemment, faire la même présentation en faisant enregistrer sous en changeant le nom et laisse un peu ces pauvres managers en fait qui se retrouvent dépositaires d'une organisation du travail mais dont ils n'ont, à laquelle ils n'ont quasiment pas participé. Et dans les recommandations des managers, il y a de mettre en place une communication interne, sachant que la communication interne est là pour être un outil d'accompagnement du changement de la nouvelle organisation. Voilà. Et donc, création dans cette entreprise d'un journal. Jusqu'à présent, il y avait plein de petites feuilles de choux avec des recettes de cuisine, des blagues plus ou moins graveleuses, mais qui étaient lues et qui ne ressemblaient visiblement pas à grand-chose. L'agence dans laquelle je travaillais a répondu à un appel d'offres en présentant ce qu'on appelle une reco, c'est-à-dire une recommandation en expliquant que le journal, on allait leur faire un vrai journal interne. Qui valoriserait les salariés et qui accompagnerait le changement, qui donnerait le sens de l'avenir, la direction à suivre. L'appel d'offres a été gagné, sinon je ne pourrais pas vous en parler. Et après, avec plein de promesses, en fait, de vrai journal, etc. Voilà. Ensuite, il y a le lancement du journal ou des articles. Hein, donc, en l'occurrence, c'est un mensuel. Et du coup, je ne regarde plus mes notes, moi. Du coup, je suis perdue. Donc, ce journal est censé accompagner le changement et la certification, c'est-à-dire que le journal interne et le manager de l'agence prend le relais en fait des consultants, c'est-à-dire que les directeurs de cette entreprise publique qui se retrouvent avec un mode d'organisation qu'ils n'ont quasiment pas choisi ne sont pas complètement abandonnés puisqu'il y a le directeur général de l'agence qui lui est également manager et qui maîtrise bien le discours managérial, prend le relais pour assurer évidemment la continuité. Alors pour faire très court, les articles sont commandés à des pigistes sans que soit spécialement précisé qu'il faut adopter un certain discours et une certaine tonalité, puisque les pigistes qui sont en général, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est souvent des pigistes qui ont beaucoup d'esprit critique, parce que dans les pigistes avec lesquels j'ai travaillé, il y en avait au moins deux qui travaillaient pour le Canard Enchaîné, dont un après qui s'est lancé uniquement dans le journalisme d'investigation, et qui posait des questions, qui reformulait de telle sorte que personne ne soit heurté, en fait, qui allait dans le sens, sans même qu'on ait besoin de lui expliquer, qu'elle est dans le sens de l'idée qui était supposée attendue. Ensuite, cet article, et en fait les sommaires des numéros, reproduisaient régulièrement des informations sur la nouvelle organisation, ce qui posait des problèmes, puisque au niveau de la maquette, le directeur artistique avait beaucoup de difficultés à trouver des images à chaque fois différentes, puisque c'était toujours le même thème. Il fallait qu'il briefe notamment un illustrateur, parce que c'est un très beau journal, hein, il y avait beaucoup d'argent, un illustrateur, et l'illustrateur, au bout d'un moment, il n'y arrivait plus. Moi, au niveau des titres, c'est pareil, c'était toujours... je peux vous montrer si j'ai... c'était toujours la même chose, y compris le maquettiste, au bout d'un moment, se demandait si ce n'était pas déjà le numéro précédent, puisque c'était à peu près... c'était à chaque fois la même chose. Voilà. Donc une fois que l'article est écrit, donc il a déjà été amélioré, rebidouillé par le pigiste pour aller un peu dans le sens du poil, parce que lui fait ça pour se faire un peu plus de sous, et s'il commence à écrire un article normal, évidemment on ne fera plus appel à lui, ce qui est quand même de bonne guerre. Il le sait, hein, ça paye bien, parce que la communication paye mieux au feuillet que la presse. Donc s'il le fait, c'est évidemment pour avoir de l'argent. Hein, donc une fois que le texte qui a déjà été un peu remanipulé arrive, il est soumis à ce qu'on appelle à deux validations, une validation technique, c'est-à-dire la vérification des informations pour voir s'il n'y a pas d'erreur, et ensuite une validation politique, laquelle consiste à faire lire, parfois vous avez une brève qui peut être lue par 10 personnes différentes, et chacun peut rajouter un mot, chacun peut s'amuser, et légitimement autorisé à intervenir sur le texte, de telle sorte que ce journal interne devient un territoire d'expression du pouvoir. Et les corrections arrivent, et donc moi je suis chargée de les intégrer, bien sûr, avec des petites pattes de mouche, enfin ça des fois ça... Alors, vous avez des textes qui sont rallongés, d'autres qui sont raccourcis, vous avez des mots qui sont reformulés, par exemple, on en prend un pour un autre, parce qu'il y en a qui sont plus à la mode que d'autres. Voilà, donc vous avez des push successives de correction à tel point que par moment vous avez un texte, des phrases qui n'ont absolument rien à dire, qui n'ont plus aucun sens. Par exemple, je me souviens d'un éditorial du directeur qu'il avait écrit, enfin je pense qu'il avait écrit, qui a été recorrigé par lui-même deux fois, trois fois, de telle sorte qu'il a introduit une double négation dans sa phrase, ce qui lui faisait dire exactement ce qu'il voulait, enfin exactement le contraire. Bon. Mais comme c'était le directeur général, évidemment, on rentre la correction. Et on ne dit rien. Après, il y a eu c'est allé beaucoup plus loin, puisqu'il y a une interview, notamment d'un syndicaliste ou par bribes de correction, en fait, les termes ont été changés. Donc, on est passé du conditionnel à l'indicatif. On a changé petit à petit des mots. Et puis, au final, ça dit exactement le contraire de ce que disait le militant de la CGT. Voilà. Alors, évidemment, on aboutit à des effets pervers, hein, puisqu'on a l'impression que tous les articles se ressemblent, qui racontent toujours plus ou moins la même chose. Et il y a très peu d'informations, puisque les managers ont peur eux-mêmes, puisqu'ils se sentent eux-mêmes surveillés. Et vous avez des textes. Ah oui, je vous ai... Ça, ça ne va pas vous plaire. Hein. Beaucoup me plaire. Ça, c'est un document que j'avais trouvé rigolo. Alors, je suis désolée parce que la qualité est vraiment très très mauvaise. J'en ai passé assez, je ne savais pas combien on était. Voilà. On a l'impression en fait que les mots sont enfilés les uns à la suite des autres comme des perles et qu'en fait la question n'est pas du tout le sens. Alors, le problème, c'est que ce journal interne qui était censé fédérer. J'ai encore 2 minutes. Ouais. Il est censé fédérer et faire adhérer donc les salariés, qu'on est censé mettre en valeur, valoriser, etc., pour qu'ils s'y retrouvent et qu'ils adhèrent aux valeurs du nouveau management. Le problème, c'est qu'ils ne se retrouvent plus dans les propos puisqu'ils ont été dénaturés, que ça devient très difficile après pour les pigistes de trouver des gens du terrain qui répondent, c'est-à-dire plus personne ne veut être interviewé par le journal, plus il y a un boycott. La CGT fait une fausse couve du journal en appelant ça le vrai faux journal, un faux ou un tox. Alors évidemment, ça fait, on en reçoit une copie, ce qui fait rire évidemment tout le monde dans l'agence, puisque tout le monde sait qu'évidemment c'est de la langue de bois, c'est un peu le principe. Mais la réception de cette nouvelle organisation se passe assez mal, puisqu'il y a une séquestration d'un directeur régional. Il n'y en a pas une ligne dans le journal, c'est jamais évoqué, ça fait quand même une demi-page dans Le Monde. L'agence de communication, voyant que bon, y a des petits problèmes quand même de compréhension de la nouvelle méthode d'organisation, propose une nouvelle recommandation, bien sûr. Et la nouvelle recommandation, écrite par le manager qui s'adresse à ses équivalents hiérarchiques de clients, est d'expliquer qu'il faut aller encore plus loin et qu'il faut faire la pédagogie de la nouvelle organisation sans remettre aucunement en question la méthode. Le DRH est limogé, mais il faut lire la presse, la vraie, entre guillemets, pour en être informé. Et donc, le discours managérial, évidemment, pas compris, n'atteint pas sa cible, mais en même temps, ce n'était pas non plus son objectif, puisque l'objectif, c'est quand même de pouvoir, occuper un territoire qui est celui de ce journal, mais absolument pas d'être compris, puisqu'on a l'impression qu'ils font quand même le maximum pour ne pas l'être. Et alors la question, c'est évidemment à quoi sert ce journal interne, puisque ce journal interne, qui est une vitrine du discours managérial, n'a rien d'isolé, puisque j'ai travaillé dans plusieurs agences, sur plein de journaux, et on retrouve absolument les mêmes mécanismes. Enfin, c'est vraiment un classique de la communication interne. Et alors la question, c'est pourquoi ça continue? Alors on aboutit à une espèce de consensus managérial avec un espèce de faux jeu de dupes, où quand l'agence de communication vend à ses clients un vrai journal, les clients savent évidemment que ça ne va pas être un vrai journal puisque c'est un outil au service du management, ça n'est rien d'autre. On m'a dit la communication c'est un outil, un journal interne c'est d'abord un journal de la direction, une fois imprimé de toute façon personne ne les lit. Et puis ça répond aussi à des intérêts convergents, c'est-à-dire le service de la communication qui est souvent des services féminins, qui sont souvent des services qui sont méprisés, là peut s'enorgueillir d'avoir enfin un vrai beau journal. Par exemple, il y a des remises de prix de presse professionnelle et les gens sont toujours assez contents de montrer que c'est leur journal, même si effectivement les personnels de la communication n'écrivent pas les textes, n'ont pas choisi la maquette, mais enfin c'est quand même le leur. Le directeur de l'agence que j'avais appelé Pergola, lui aussi, il se pose en expert, en consultant, puisqu'il lui-même, il est manager, donc il sait très bien le problème que rencontrent ses clients. En plus, plus la situation dégénère, plus il peut proposer des outils supplémentaires, des enquêtes, des suppléments, des posters sur le management par la qualité, sur la redistribution de la carte des métiers. C'est-à-dire, plus ça va mal, et mieux c'est, finalement, pour lui, quoi, puisqu'il est là pour ça. Voilà. Voilà. Non, mais je regarde là. Voilà, et en fait, ce discours, ce managérial donc, qui a envahi le journal interne, en fait, c'est plus un miroir dans lequel se regarde la direction Et la question, c'est pourquoi vouloir absolument proposer un vrai journal avec des informations à des gens qui n'en veulent pas et qui n'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est d'être un outil de management, lequel n'a évidemment pas vocation à être compris. Et on s'inscrit dans un rapport de force, évidemment, absolu, puisque les pages, les colonnes deviennent un espace, alors qu'initialement, dans la recommandation, dans la deuxième, dans les sondages, parce que c'est l'agence qui fait en même temps des sondages, des enquêtes de lectorat, en expliquant que c'est bien, la méthode est bonne, il faut faire plus de pédagogie, et en gros, c'est juste parce que les salariés sont réticents, et s'ils sont réticents, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris. Donc il faut juste en remettre une... Je caricature. Il faut juste en remettre une couche, et au bout d'un moment, ils vont finir par comprendre.